بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 41. 41 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ Est-il permis de faire توسل, c'est le fait en fait de prendre un moyen d'intercession envers Allah lors de l'invocation. Donc est-il permis de faire cela par le rang du nabi, par le rang du prophète? فأجاب رحمه الله تعالى: التوسل بجاه النبي ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم, فيحرم التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام, فلا يقول الإنسان اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. Donc il a dit, le tawassul, c'est-à-dire le prendre comme intermédiaire le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'invocation, selon l'avis authentique, cela n'est pas permis. Par exemple, c'est comme si quelqu'un disait: « Oh Allah, je te demande par le rang de ton prophète telle et telle chose. » D'accord? Cela n'est pas permis. « وَذَلِكَ لِنَا وَسِيلَ لَا تَكُونُ وَسِيلَةً إِلَّا إِذَا كَانَ لَكَ أَثَرٌ فِي الْحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَجَاهَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ سَلَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّاعِي لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْحُصُولِ الْمَقْصُودِ. » Donc, les moyens d'intercession dans l'invocation qui sont légiférés ne sont que ceux qui ont une influence sur l'obtention de la demande. Et le rang du Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à celui qui invoque n'a aucune influence sur la demande. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا صَحِيحًا لَهُ أَثَرٌ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ فَجَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ مِمَّا يَخْتَصُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحْدَهُ وَهُوَ كَمَا يَكُونُ مُنْكَبَرَةً لَهُ وَحْدَهُ. Donc il a dit, le rang du Nabi صلى الله عليه وسلم, ou plutôt, il a dit, tout ce qui n'est pas un effet réel, qui n'est pas une cause réelle, qui influe et qui t'apporte un intérêt dans ta demande, alors il n'y a pas à en faire un moyen d'intercession dans l'invocation. Par exemple, le statut du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne t'apportera rien à toi. Ce rang-là ne l'aurait apporté qu'à lui-même. Par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah par son propre rang à lui-même, cela aurait été valable pour lui, mais pas pour nous. Cela ne nous concerne en rien. Cette valeur-là ne lui est spécifique qu'à lui, par rapport à ses actes, par rapport à la force de sa croyance, par rapport à au privilège qu'Allah lui a donné. Cela n'est valable que pour lui dans son invocation. Alors que nous, on doit invoquer par des choses qui nous sont liées à nous-mêmes, qui sont liées à nous-mêmes. قال فما نحن فلسنا ننتفع بذلك وإنما ننتفع بالإيمان بالرسول وبمحبته وبما أيسر الأمر على الداعي إذا قال اللهم إن يسألك بإيماني بك وبرسولك كذا وكذا بدلا من أن يقول أسألك بجاه نبيك. Donc il a dit, nous, cela ne nous rapporte rien, ne nous sert à rien. Nous, par contre, ce qui va nous servir, c'est notre foi en ce prophète, notre amour pour ce prophète, notre suivi de ce prophète, ou notre obéissance de ce prophète. Donc, ce que le serviteur doit faire dans son invocation, c'est dire par exemple: « Oh Allah, je te demande par ma foi en toi et en ton prophète telle et telle chose. » Plutôt que de dire « Je te demande par le rang de ton prophète telle et telle chose. » Là, c'est un tambih, le tawassul fi du'a, le fait de faire de prendre un moyen d'intercession dans le dua, cela ne légifère que dans trois cas. Soit par nos bonnes actions, et soit par les noms d'Allah et ses attributs, ou soit alors en demandant à un homme pieux d'invoquer pour nous. Il n'y a que ces trois moyens-là qui sont légiférés. Tout le reste, c'est soit innové, soit shirki. Soit shirki. Et là, par le jah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela est une chose qui est innovée. Et les sahaba ne l'ont pas fait. Donc si on invoque Allah, on faisait tawassul, on le fait par nos bonnes actions, comme notre foi, comme des choses qu'on a fait dans lesquelles on sait qu'on a été sincère, ou on pense avoir été sincère, parmi nos bonnes actions, ou on invoque Allah par ses noms et attributs, غير ذلك. قال ومن نعمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من الأبواب المحظورة إلا أمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة والحمد لله رب العالمين. Donc parmi les bienfaits d'Allah عز وجل envers ses serviteurs, c'est qu'il n'y a pas une porte, par exemple, qui se ferme pour une action, sans qu'on ait d'autres portes plus nombreuses qui soient ouvertes pour nous permettre de faire les choses légiférées et permises. نعم. ثم قال في السؤال الثاني والأربعين سئل الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعض الناس يا محمد ويا علي ويا جيلاني عند الشدة فما تعليقكم على ذلك. Donc il est interrogé, certaines personnes, dans la difficulté, ils disent « Ô Mohamed, ô Ali, ô Jilani ». Donc, qu'en est-il ?« Fajaba, idha kana yuridu du'a haulai, ou l'isti'ana bihim, fawa mushrikun shirkan akbar, mukhrijan an al-millah, fa'alayhi an yatoub, ila Allah Azza wa Jal, wa an yadu'a Allah wahdahu, kama qala ta'ala, أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. Donc il a dit si par cette invocation il demande justement, il cherche refuge ou recherche de l'aide auprès de ses créatures, alors cela est du shirk akbar, de l'association majeure qui exclut de l'islam. Donc il doit faire tawbah auprès d'Allah Azza wa Jal et invoquer Allah seul dans le sens où Allah a dit, et qui donc répond à l'opprimé ou plutôt le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le mal et qui a fait de vous des successeurs sur terre. Il y a donc une autre divinité avec Allah. Sourate les abeilles, verset 62. Ou plutôt, fourmis. Non, 62. Wa ma'akouni mushrikan fa huwa safih mudayyi'un li nafsihi. Qala Allah ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Et également, il a dit non seulement et c'est un mushrik en faisant cela, et également c'est un safi. Un safi, c'est une personne qui est, ça a plusieurs sens. Une personne qui n'a pas de raison, qui réfléchit mal, qui se comporte mal, faible d'esprit. Ça dépend de la situation. Ça peut être safi dans le sens du kafir, et safi dans le sens de celui qui ne gère pas les choses. Et là, il va dans le sens du kafir. Car dans le sens où Allah est dit, et qui donc se détournerait de la religion d'Ibrahim à part une personne qui aura été sa fille justement. Sourate al-Baqarah, la page verset 130. Là, ça a le sens de justement de mécréant. Car la religion d'Ibrahim, alayhi salam, c'est le fait de se vouer à Allah exclusivement. Donc, invoquer autre que Allah, cela s'oppose à cette religion. Waqala ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلا يوم القيامة. Il a dit, et qui donc, dans le sens, et qui donc est plus égaré que celui qui aura invoqué en dehors d'Allah, celui qui ne pourra pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Al-Ahqaf, verset 5. Donc, invoquer autre que Allah, c'est-à-dire une créature qui est absente ou qui est incapable de répondre, cela est du shirk akbar, et cela est le plus grand des égarements. Cela que l'auteur veut dire par là, donc il n'est pas permis de faire cela. Que ce soit Mohammed ou autre que Mohammed. L'invocation n'est que pour Allah. Et il n'est permis de demander à une créature que lorsqu'elle est en mesure de faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit présente, qu'elle entende, et qu'elle ait le potentiel d'agir en mesure de ta demande. Sans quoi, ça tombe dans le shirk. Comme dans cette question-là. Car Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'entend pas les invocations. Et quant au fait de dire, de lui passer le salam et autres, il n'entend pas notre salam. Mais ce sont des anges qui lui retransmettent ton salam. Sans quoi, lui n'entend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entend pas. Adhalazi radna al-yom, walhamdulillahi rabbil alamin.